Et c'est la France qui est derrière. D'ailleurs, si vous mettez un là, si vous mettez un général là, c'est-à-dire un vieux Saint-Cyrien, vous savez ce qu'il va faire? Il va vous faire la première déclaration et il va expliquer que dans maximum 12 mois, nous ferons tout pour un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà le discours. Les mêmes mots. C'est-à-dire qu'il va venir, il va recycler ses amis, il va expliquer qu'il réforme l'armée, il va renvoyer le jeune Traoré là, c'est-à-dire dans la situation la plus difficile du front. Et lui, il va se mettre dans des démarches de négociation avec M. Ouattara et vous expliquer que je suis dans une démarche de laisser le pouvoir aux civils pour qu'on garantisse sa retraite. Et vous savez souvent que dans ces histoires-là, vous avez les statuts d'ancien chef d'État. Donc il aura un statut d'ancien chef d'État, ouais. Il va encore avoir une certaine influence, et c'est comme ça que ça se reproduit même de père en fils. Afrique Média, le monde, c'est nous.